Voici, à Nuneur, 5 nouvelles de Maupassant, publiées en 1887, à la suite de Le Horla, déjà enregistré. Choix des textes et enregistrements de Jean-Paul Lexis, août 2018.